L'espagnol avec Michel Thomas, méthode pour débutants. CD numéro 3. Je vais, je m'apprête à, se dit. Boya. Boya, d'accord, boya. Mais en deux mots, hein, V-O-Y, puis A, boy, A. Mais à l'oral, on entend boya, boya. Alors, je vais le faire, se dit. Voy a hacerlo. Bien, hein? Voy a hacerlo. Et je vais le faire maintenant parce que aujourd'hui, je vais être très occupé. Donc, au féminin pour vous, puisque vous êtes une femme. Voy a hacerlo ahora. D'accord. Voy a hacerlo ahora parce que. Porque. Porque aujourd'hui. Hoy. Porque hoy, oui, je vais être très occupée. Et c'est vous-même, une femme, qui parlez. Voy a estar. Oui, voy a estar. Hein, voy a estar, très occupée. Muy ocupada. Le U se prononce U. Hein? Ocu. Ocupada. Muy ocupada. Ocupada. D'accord, ocupada. Voy a hacerlo ahora porque hoy voy a estar muy ocupada. Alors, à vous maintenant. Aujourd'hui, je vais être très occupée. Et maintenant, c'est un homme qui parle. Hoy voy a ocupar. Je vais être. Voy a estar. Voy a estar. Hein? Voy a estar. Ocupa. Très. Très occupé. Muy. Muy ocupado. Bien. Ocupado. Muy ocupado. Puisqu'il s'agit d'un homme. Donc, hoy, aujourd'hui, voy a estar, je vais être, voy a estar muy ocupado, je vais être très occupé.